إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nous sommes donc au cours numéro 5 de notre livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifat 'ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à tout musulman et musulmane de connaître. Nous sommes au troisième, maintenant nous rentrons dans le troisième épître. Le troisième petit livre du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Shurut la ilaha illallah. Les conditions du la ilaha illallah. Mais avant, nous allons quand même citer un ou deux versets sur le cours d'avant. Le cours qui était sur une petite arisala très petite, qui faisait deux phrases. Osluddin ou encore Yadatuhu Amaran. Le fondement de la religion et sa règle est deux choses. Sont de deux choses. Al-awwal al-amru bi'ibadillahi wahdahu la sharika. La première chose, c'est l'ordre d'adorer Allah seul, sans qu'il y ait d'associé. Wa tahridu ala dhalik, ou inciter à cela. Wa al-muwalatu fi, et s'allier en ceci. Et faire le takfir, donc déclarer, mécréant, kafir, celui qui l'a délaissé, celui qui a délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal, seul, donc qui a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui a cessé totalement d'adorer Allah Azza wa Jal, comme par exemple c'est le cas des athéistes, c'est mécréant. La deuxième chose, la deuxième affaire est Thani, al-inzaru an al-shirk fi ibadatillah. Le fait de prévenir du shirk, de l'association, dans l'adoration à Allah Azza wa Jal. Ensuite, wa tahridu fi zalik, et réprimer dans cela. Ensuite, wa al-mu'adatu fi, et le fait de prendre en animosité dans ceci, donc de prendre ennemi celui qui fait du shirk, celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Et pour finir, comme le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit, wa takfir man fa'ala, et faire le takfir, donc déclarer que c'est un kafir, déclarer mécréant celui qui l'a fait, celui qui a fait ce shirk, cet associationnisme, qui a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'il se prétend musulman, comme c'était le cas, comme je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah faisait la guerre par la plume, donc en appelant les gens, en écrivant des livres, et aussi par l'épée, en tuant les gens, en faisant le djihad contre ces personnes qui se prétendaient musulmanes et qui, en fin de compte, faisaient du shirk, faisaient de l'associationnisme, notamment sur les tombes, en adorant, en invoquant les personnes qui sont dans les tombes et autres, en faisant de multitudes de shirk, formes de shirk qu'on étudiera, inshallah. Et nous étions donc à citer quelques versets. Nous avons cité, mais je, plusieurs versets d'ailleurs. Je vais continuer à en citer d'autres maintenant pour finir en fin de compte pour le cours dernier de ce petit épître. Donc nous allons prendre dans la sourate Al-Imran, la famille de Imran, le verset 118, où Allah Azza wa Jal a dit: Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, ne prenez pas en dehors de vous, donc en dehors des croyants, bitana. Bitana, ça vient du mot, notamment le mot al-batn, l'intérieur. Bitana, ce sont des personnes à qui on fait entièrement confiance, on découvre, on leur dit nos secrets. D'accord? Donc des personnes qui sont personnes proches. Il ne faut pas prendre en dehors des croyants des personnes à qui on ferait voir nos secrets. D'accord? Bien sûr, les mécréants, on peut travailler avec eux. On peut même, le musulman peut se marier avec une mécréante juive ou chrétienne avec certaines conditions, mais pas l'inverse. Mais les prendre mais dans les choses vraiment secrètes, surtout ce qui touche de l'État islamique, de ces choses-là, il ne faut pas. Ensuite, Allah Azzajal dit: La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Ils ne faibliront pas, ils ne seront jamais faibles d'avoir espoir que, de faire quoi en vous? Khabala. Al-khabal, c'est aussi al-fasad, c'est-à-dire la corruption, de vous corrompre, de vous diminuer dans votre religion. Ils ne cesseront jamais de faire ceci. Waddu ma'anittum. Ils aiment, ils ont aimé, ils aiment quand vous tombez dans la difficulté. D'accord? Les koufars, ils sont comme ça. Qad balat al-baghdha'u min afwahihim. Et certes apparu leur haine par rapport à leur bouche, c'est-à-dire par rapport à leurs propos. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Et c'est que leur poitrine cache est encore plus grand. Donc déjà, comme Allah nous dit, que par rapport à leurs paroles, à leurs propos, les mécréants, il apparaît une haine envers nous. Mais ce qu'ils cachent dans leur poitrine, dans leur cœur, comme haine envers nous, est beaucoup plus grand. Et cela, notamment, se concrétise comme on peut le voir de nos jours et sur toute l'humanité qu'il y a eu. Et notamment, ceci est aussi une chose pour tout prophète qui a eu des ennemis parmi les mécréants. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: Qad bayyana lakum al-ayat. Certes, nous avons éclairci pour vous les versets. In kuntum ta'qilun. Si vous étiez à prendre raison. Là, nous parlons en fin de compte du al-wara ou al-bara. Prendre le fait de prendre alliance et le contraire de prendre alliance, donc de se désavouer, de se désolidariser, donc des koufars. Et nous allons prendre ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les mouchékoun de Quraysh faisaient la guerre aux musulmans. Fi ghazwat al-Badr. Maza hadasa fi ghazwat al-Badr. Fi ghazwat al-Badr, qatala al-muhajiru abah. Dans la bataille de Badr, donc la première bataille, si on peut dire la première grande bataille, la bataille décisive de qu'on appelle Badr, qui était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, donc avec les musulmans de l'époque, contre les mécréants, les mouchtikoun, les associateurs de Quraysh, qui était sa tribu. Quand al-muhajiru aba, l'émigré combattait son père. C'est-à-dire que, comme vous savez, le muhajir, c'est celui qui a quitté la Mecque avant l'ouverture de la Mecque, avant la conquête de la Mecque, avant Fath Mecca, en étant musulman, et qui est allé émigrer à Al-Madina, Médine, et qui bien sûr est mort sur l'islam, tout en ayant rencontré au moins une fois dans sa vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le muhajir, dans la période de Badr, pouvait combattre qui? أباه son père, وابنه son fils, وأخاه son frère, وعشيرته sa famille, من المشركين parmi les associateurs. Durant le combat, ils pouvaient faire ça. وهم بنو وطن واحد, et eux, ils étaient les fils d'une seule nation à la base, Quraysh, mais ils n'avaient pas de nationalisme entre eux, surtout pour ceux qui étaient des musulmans. Et ce qui doit toujours être des musulmans. Il n'y a pas de nationalisme. On ne se bat pas pour un drapeau, pour une patrie, pour une nation. On se bat pour la ilaha illallah. On se bat pour l'islam. On se bat pour Allah Azza wa Jal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qatala li takun kalimatullahi al-uliya fa huwa fi sabilillah. Qui combat par les armes, qatala, afin que la parole d'Allah soit la plus haute, alors il est dans le chemin d'Allah. Celui qui combat, bien sûr, pour que la parole de son pays, de sa nation, de son drapeau, d'autres jahiliyyah, il n'est pas dans le chemin d'Allah, Azza wa Jal, mais il est dans le chemin du shaitan. Donc, par exemple, pour ce qui s'est passé à Badr, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc cette personne qui s'appelle Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qatala abahu, il a tué son père. Omar, quand elle a khalahu, et Omar avait tué son oncle maternel. C'est quelque chose de très important durant le combat, d'accord? Ce qui veut dire que quand on est musulman, quand on est soumis à Allah Azza wa Jal, on doit être prêt à combattre n'importe qui se met devant la loi d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le cheikh, les deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimallah, qui s'appelaient Hussein ou Abdullah, ces deux fils-là, ont dit ceci. Et là maintenant, c'est par rapport notamment au takfir. Faman qala la u'adil mushrikin. Donc celui qui dit, moi, je ne prends pas en animosité les mushrikin. Et bien sûr, quand on dit les mouchriquines ici, ce sont les sacerdotes parmi ceux qui se prétendent musulmans, qui font toujours la shahada, qui attestent comme quoi il n'y a pas de divinité par roi sauf Allah, et que le prophète, et que Mohammed est son prophète, mais malheureusement pour eux, ils font du shirk et sont sortis de l'islam, ils sont des mouchriquines, des koufars. Donc, les deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, Hussein ou Abdullah ont dit Faman qala lahu adil mushrikin. Donc celui qui dit je ne prends pas en animosité les associateurs. Ou bien il dit ou il fait ou adahum ou la mukafirhum. Ou adahum, donc il fait al mu'ada, al adawa, ou il les prend en animosité, mais la mukafirhum. Mais il ne dit pas qu'ils sont kuffar, d'accord? Il n'en fait pas le takfir. C'est très important, comprenez bien ça, pour ce qu'il va dire à la fin. Ou bien, il les prend en animosité, c'est-à-dire qu'il les déteste, mais il ne veut pas le takfir sur ces personnes. Donc, ils sont toujours musulmans, même s'ils vont sur les tombes faire des adorations sur les tombes ou autre, comme style d'adoration ou autre chose comme koufre. Il dit non, moi je ne dis pas qu'ils sont des koufars, je les déteste par rapport à ce qu'ils font, c'est très mal, ils font du shirk, etc. Mais moi je ne fais pas du koufre. Ou il dit. La ataradu ahla ilaha illallah. Walu faru al-kufra wal-shirk. Wa'adu din Allah. Moi, je ne me mets pas en travers des gens du la ilaha illallah. Et même s'ils font le kufr et le shirk, et ils prennent en animosité la religion d'Allah. Awqal, ou que cette personne dise. La ata'arlu lil kibab. Moi, je ne mets pas en travers des al-kibab, non, des coupoles. Il voulait dire ça, des coupoles, c'est-à-dire des mausolées. C'est-à-dire des mausolées où on faisait l'adoration à autre qu'Allah, azzawajal. C'est-à-dire qu'on adorait que des gens allaient adorer ceux qui étaient dans ces tombes, dans ces mausolées. Eh bien, quelle est la sentence? Comme on dit les deux fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui sont Hussein ou Abdullah, rahimahumallah, fahada la yakun muslima. Alors celui-ci, il n'est pas musulman. Fahada la yakun muslima. Donc celui-ci-là, il n'est pas musulman. C'est clair. Les deux fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui faisaient aussi partie de ce qu'on appelle A'immatud Da'wah, les imams de la da'wa, qui sont parmi les plus au courant de la da'wa du cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, font le takfir pour ces sortes de gens. Le premier sort, c'est celui qui dit Faman qala la adil mushrikin, celui qui dit moi je ne me prends pas, moi je ne prends pas en animosité les associateurs, donc ceux qui se disent musulmans mais qui font du shirk. Il dit moi je ne me prends pas en animosité. Eh ben, ils ont fait la fatwa comme quoi cette personne-là est kafir. Ou adahum mulam kafir, ou il les prend en animosité, c'est-à-dire qu'il les déteste pour ce qu'ils font, mais il ne fait pas le takfir sur les fonds. Non, non, ils sont toujours musulmans. Eh ben, pour les deux fils du cheikh, cette personne-là aussi est un kafir. Il n'est pas musulman. Je vous dis maintenant pourquoi, fin de compte, il ne sera pas musulman. C'est pas lui qui fait, il fait pas, c'est pas lui qui fait du shirk. C'est moins le problème. Comme on va voir dans une des 10 annulations de l'islam, parmi les 10 annulations de l'islam, il y en a une qui est que celui qui ne déclare pas mécréant le mouchlik, l'associateur, aussi le mécréant, eh bien, il est mécréant aussi. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que Allah Azzawajal a décrété que celui qui fait du grand shirk est un mouchlik, et donc il n'est plus musulman. Et celui qui va à l'encontre de ceci, eh bien, il vient à l'encontre d'Allah Azzawajal, et donc il fait du kufr, car en fin de compte, il est comme celui-ci, comme celui qui dit que l'alcool est halal, alors qu'Allah Azzawajal a interdit l'alcool. Donc il fait ce qu'on appelle al-istihlal. Il vient de rendre haram ce que Allah Azzawajal en est halal, et l'inverse. Ou bien, comme les deux fils ont dit, la ta'alu la ilaha illallah wa lufa'lu al-kufr wal-shirk wa adaw din Allah. Ou qui dit, moi je ne me mets pas en travers des gens de la ilaha illallah, donc de ceux qui disent la ilaha illallah, et même s'ils font le kufr et le shirk, et qu'ils prennent en animosité la religion d'Allah Azzawajal. Eh bien, pour ces deux fils-là, cette personne-là qui dit ça est un kafir, il n'est pas musulman. Et comprenez bien que parmi les ikhwan al-muslimin, parmi les frères musulmans, les ikhwaniyin, et beaucoup sont tombés dans cela, jusqu'à aller prendre en amitié, et déclarer qu'ils sont musulmans, tout en connaissance de cause de ce que sont, par exemple, les chiites et autres soufis. Mais beaucoup parmi les frères musulmans sont soufis. Sachez que le premier qui a fondé cette institution qui est vraiment nauséabonde, qui s'appelle Hassan al-Banna, ne le prenez pas dans vos sentiments, cette personne était un soufi. Tel les sectes soufis, faire des adorations et autres. C'était un soufi. Le problème en soufi, lui-même le reconnaissait. Continuons. Aoukal, ou celui qui dit la ta'alou lil qibam, où je ne mets pas en travers des coupoles, c'est-à-dire que vous aurez des coupoles, des mausolées où on adorait autre qu'Allah Azzawajal. Eh bien, comme fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui sont Hussein ou Abdullah, rahimahumallah, fahada laïkun muslima. Donc celui-ci n'est pas musulman. Bel huwa mimman qallahu fihim, mais il est de qui Allah Azzawajal a dit en eux, chez eux, pour eux. Donc voici le dalil. Allah Azza wa Jalla dit وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, et ils ont dit nous croyons en une partie et nous faisons le kufr et nous renions une partie, et c'est une partie du comme je l'ai dit, ceux qui font ça, ceux qui font pas le takfir, pour ceux qui font du shirk en prétendant mais ils sont musulmans, ils disent la shahada, ils font les 5 prières, ils font le hajj, moi je peux pas faire de takfir, et bien ces personnes là en fin de compte ont cru à une partie du Coran et ont mécru en autre partie, parce qu'Allah Azzawajal a bien décrété que celui qui fait du shirk akbar, il n'est pas musulman, mais il ira en enfer éternellement, sauf s'il se repent avant sa mort. Ceci est clair. Donc celui qui n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas d'accord avec Allah Azzawajal, et donc il va faire ce qu'on appelle en fin de compte de l'istihlal. Je lis la suite du Coran. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, et ils veulent prendre entre ceci, c'est-à-dire le fait de dire, de croire une partie du livre et de mécroire une partie du livre, un chemin. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, et ce sont eux les véritables mécréants. Donc Allah Azzawajal n'a pas dit seulement des mécréants, kafirun, mais il a dit avec le alif wal lam, d'accord, Les flammes donc qui veut dire les mécréants sont eux, les mécréants, et en plus après il a dit Hakkan, véritablement. Donc là, Allah Azzawajal a vraiment attesté que ces gens-là sont des véritables mécréants, ce sont eux les véritables mécréants. Ceux qui vont croire une partie du livre, une partie de la révélation, mais une autre partie, ils vont mécroire. Comme c'est au début du verset, Wayakulun, et ils disent, nous minu bibard. Nous croyons à une partie. Wanakfuru bibard. Et nous mécréons en une partie. Ensuite, les deux fils du chef. J'espère que vous avez compris cela. Munabazatahum, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner d'eux, s'écarter d'eux avec khilaf, avec le fait d'être en désaccord. Il faut le concrétiser comme ceci. Et ensuite, watakfirahum, et faire leur takfir. Donc, je relis cette phrase des deux fils du cheikh Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahumullah. Wallahu awjaba mu'adat. Et Allah a rendu obligatoire le fait de prendre les mushrikines comme ennemis, wa munabazatahum, et le fait de se séparer d'eux, wa takfirahum. Et watakfiram, ce mot que beaucoup détestent, watakfir, takfir, watakfirahum, le fait de faire leur takfir, c'est obligatoire. Allah Azzawajal a rendu obligatoire le fait de faire leur takfir, de le déclarer mécréant. Cette parole se trouve dans un livre qui s'appelle Ad-Durar As-Saniyya, et c'est pas As-Sunniyya, As-Saniyya. Au volume 10, à la page 139, 139. Et ici, nous pouvons d'ailleurs lire cette sourate qui est formidable, qui est sourate Al-Kafirun, la sourate des mécréants. Comme je vous l'ai dit, Allah Azzawajal, ni son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'utilisait le mot Ghayr Muslimin, les non-musulmans. Ça n'existe pas dans le Coran, ni dans la Sunna, les non-musulmans, ça n'existe pas. Il y a Al-Kafiroun, les mécréants. Il y a les musulmans ou Al-Kafiroun. Il y a les musulmans et les mécréants. Comme on ne dit pas pour les musulmans que ce sont des non-mécréants. Pourquoi ne dirons-nous tout pas ça? Pourquoi ceux qui parlent et qui disent oh, il y a les non-musulmans, pourquoi ils ne disent pas ah, il y a les non-musulmans et il y a les non-mécréants, pour parler des musulmans, en parlant des noms, les noms ceci, les noms cela. Vous comprendrez par faiblesse. Quand ceux-là disent ceci ou quand nous disons ceci, c'est en fin de compte par faiblesse. Eh oui. Alors ces gens vont dire, oui, mais nous sommes dans une position de difficulté, de faiblesse, donc il faut il y a une hikma, c'est le fait d'avoir un certain comportement. Et nous leur disons, oui, c'est vrai, mais il y a des limites, et ces comportements ont été légiférés. Et sachez que Sourate Al-Kafirun, donc la sourate des mécréants, a été descendu à la Mecque dans une position où le prophète et les musulmans de l'époque étaient en très forte faiblesse, qu'ils se faisaient notamment torturer, tuer, d'accord, subissaient aussi ce qu'on peut appeler un embargo économique, hein. Plus personne ne pouvait le faire d'acte de vente avec eux. C'est pas les Américains qui ont inventé ça, hein. C'était bien avant. Et malgré ceci, eh bien le Coran, donc Allah Azzawajal, disait Al-Kafiroun, les mécréants, ainsi que le prophète, Allah Sallam, il disait aussi Al-Mushrikoun, les associateurs. Donc ce verset, c'est cette sourate, qui commence par ceci, Bismillahirrahmanirrahim, Ya, qul ya, ayyuhal kafirun, dit, oh vous les mécréants. Donc Allah Azzawajal, il ordonne son prophète, qul, alors qu'il est à la Mecque, hein, donc il est en position de faiblesse. Qul, dit, c'est un ordre, c'est obligatoire. Le prophète Sallam qui dit quoi? Ya ayyuhal kafirun, oh vous les mécréants. Ce n'est pas Ya ayyuha ghayrul muslimin, oh vous les non-musulmans. Il veut dire oh vous les mécréants. Donc ceux qui font le darwa en France, en Belgique ou ailleurs, et qui doivent faire le darwa, le prêche envers les mécréants, ils doivent les appeler comme le prophète Sallam faisait, comme il a été ordonné de faire. Ô vous les mécréants. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum a'biduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas à adorer ce que j'adore. Wala ana a'bidun ma a'batum. Moi je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum a'biduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas à adorer ce que j'adore. Lakum dinukum wa liya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Ensuite, nous allons aller dans la sourate At-Tawba, au verset 29. Et là, par contre, c'est un verset qui est descendu alors que les musulmans, Allah sallam, et ses compagnons, à Médine, ils sont en position de force. Allah Azza wa Jalla a dit ceci. « Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir » Combattez, et par les armes, parce que le verbe qatala, c'est combattre par les armes. Le verbe jahada, c'est combattre, c'est le jihad, mais ça peut englober le jihad contre le shaitan, contre soi-même, contre les mécréants, avec les armes, et aussi avec la langue, c'est par le prêche. Mais le verbe qatala, c'est combattre par les âmes, qui vient du verbe, du mot al-qatl, le fait de tuer. D'accord ? Qatilu ladin la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Combattez par les armes, ceux qui ne croient pas en Allah. Et ne crois pas au jour dernier. Voilà, yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Et qui ne déclare pas haram, interdit, ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont déclaré haram, interdit. Voilà, yadinuna din al-haqqa. Et ils ne prennent pas comme religion la religion de la vérité. Minallavina utul kitab, parmi les gens du livre, parmi les gens de la Bible, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum sagirun, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, jusqu'à ce qu'ils donnent la capitation d'une main, alors que eux, ils sont, on va dire, sagirun, on va pouvoir le traduire par avilis, ils sont avilis, d'accord. Donc le djihad ici, par l'épée, le but du djihad, c'est que les gens du livre, notamment de la Bible, les juifs et les chrétiens, doivent soit devenir musulmans, soit donner la jizya. Sinon, c'est le combat jusqu'à la mort. Qu'Allah nous accorde la victoire dans cette dunya, dans Al-Akhir. Nous restons toujours dans la sourate At-Tawba. Surat qui parle beaucoup de djihad, notamment, qui a aussi un autre nom, qui est surat Al-Fardiha, celle qui découvre, parce qu'elle a découvert les munafiqoun, ceux qui cachent leur mécréance et qui affirment une islam. Allah Azza wa Jalla les a découverts par cette surat. Il nous a donné des indications par lesquelles on peut les reconnaître. Nous ne sommes pas là ici pour l'instant. Nous sommes au verset de cette surat, vraiment magnifique. Surat At-Tawba, comme toutes les sourates d'ailleurs. Au verset 65 et 66, Allah Azza wa Jal nous dit: Wala in sa'altahum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Et si tu les questionnes, ils diront certes, nous ne faisons que de plonger dans la conversation et de jouer. Qul, dit. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dit, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'taviru, ne prenez pas d'excuses. La ta'taviru, al-i'tizar, al-uzr, ne prenez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Certes, vous avez mécru, vous êtes devenu kuffar, mécréant, après avoir eu la foi. Donc là, c'est une des preuves comme quoi un musulman peut devenir mécréant, même si pourtant il ne le savait pas. Plus ou moins en détail, dans les 19 lections de l'islam, c'est quand on se moque d'Allah Azza wa Jal ou de quelque chose de sa religion, parmi ses prophètes, ses anges, ou son livre, ou autre. Ou ne serait-ce que, par exemple, de se moquer de la prière ou de la veine. Nous verrons ça, Inch'Allah, nous l'étudions plus ou moins en détail dans les 10 annulations de l'islam, Inch'Allah. Ensuite, nous allons pouvoir lire encore un ou deux versets, inshallah. Je regarde. Oui. Là, nous allons dans la sourate. Dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, le verset 72 et 73. Ça, c'est pour ceux qui, malheureusement, encore des doutes sur la mécréance notamment des chrétiens, soit parce qu'ils voient en certains d'entre eux un bon comportement ou autre. Eh bien, ce qu'ils sachent, que c'est Allah Azzawajal qui décrète qui doit aller en enfer et au paradis. Donc, ceux qui vont dire, non, mais moi, les chrétiens, je ne veux pas les mettre en enfer. Et... Il y en a qui sont gentils, qui sont bien, qui font du bien, qui font pas de mal, etc. Je ne peux pas dire qu'ils sont en enfer. Donc on lui dit, mais pauvre individu que tu es, est-ce que l'enfer est de ta possession? Non. L'enfer appartient à Allah Azzawajal. Et c'est lui qui fait entrer qui il veut, c'est pas toi. Et ce n'est pas toi de donner à Allah Azzawajal des critères et des conditions pour ceux qui doivent y rentrer ou pas. C'est Allah Azzawajal qui nous donne des critères, qui donne les critères, les caractéristiques de ceux qui iront en enfer, de ceux qui n'iront pas. Donc c'est d'apprendre sa religion et de savoir ceux qui iront en enfer et ceux qui n'iront pas, et de faire en sorte de ne pas faire partie des gens dans l'enfer. Waliyadu billah. Donc Allah Azzawajal a dit ceci dans Sourate Al-Maïdan au verset 72-73. Laqad kafar. Allah Azzawajal a dit Laqad kafar. Et l'âme, c'est dans Jawab al-Qasam. Donc, à la base, Allah Azzawajal a juré. Notamment, juré par lui-même. De quoi que certes, kafara l'avina qalu, que certes, on. Kafara, donc, certes, on mécru. Ils ont kouf. Qui? Al-lavina qalu, inna Allah wa al-Masih ibn Maryam. Ceux qui ont dit que c'est Allah, que Allah est le Messie, le fils de Maryam. C'est-à-dire, Issa, Jésus, alayhi salam. Wa qala al-Masih. Alors que le Messie a dit, Ya Bani Israël, oh les enfants d'Israël, les Juifs. Car Issa, alayhi salam, faisait parmi, il était un descendant aussi d'Israël, et ce qu'on parlait, notamment ce qu'on appelle les Juifs, mais il était sur la bonne religion, lui, et c'était un prophète, mais un rasoul, un messager. Il leur a dit ça. Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah. Car certes, celui qui associe Allah, donc dans son adoration, faqad harramallahu alayhi al-jannah. Allah, alors Allah a rendu haram pour lui le paradis. Wa mawahun nar. Et son refuge sera le feu. Et il n'y a pas pour les injustes de secours. Et certes, il a aussi un jurement. Il jure à Allah en disant certes, un mécru. Ceux qui ont dit quoi? Inna Allah, thalithu thalatha. Certes, Allah, c'est le troisième de trois, c'est-à-dire la Trinité, ceux qui disent la Trinité, les chrétiens. Alors qu'il n'y a pas de divinité, sauf une seule divinité. Et s'ils ne cessent pas de ce de quoi ils disent, alors touchera ceux qui ont mécru parmi eux, un châtiment douloureux. Ensuite, il y a, je vais encore, Inch'Allah, citer ce verset qui est dans la sourate Al-Mumtahina. C'est un verset très important dans Al-Wala wal-Bara qui convient, si possible, d'apprendre par cœur et surtout de méditer. Sourate Al-Mumtahina ou Al-Mumtahana au verset 4. Qala Allah Ta'ala, donc Allah Azza wa Jalla dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Certes, il y a pour vous un bon exemple dans Abraham et ceux qui étaient avec lui. إذ قالوا لقومهم, quand ils ont dit à leur peuple, donc sachez quoi dire à votre peuple si votre peuple est mécréant, si vous vivez au milieu de mécréants, il faut dire ça, c'est ça le bon exemple. Le bon comportement, c'est ça dans cette situation. Il faut dire ça. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Certes, nous sommes innocents de vous. Nous désavouons de vous. Et de ce que vous adorez, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum. Et nous vous mécroyons. Nous mécroyons en vous. Ce n'est pas du kufr seul. Non, c'est de vous, de vos personnes. Car sans vos personnes, il n'y aura pas de kufr. Wa kafarna bikum. D'accord? Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Et est apparu entre nous et vous l'animosité et la haine à tout jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Comme je l'avais dit à l'Adawa, l'animosité se déclare par les actions et par la parole. Le bardra et la haine, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et en tout jamais, en aucune situation, le bardra ne doit disparaître. Cette haine qui est dans le cœur. Il est possible dans certains cas de ne pas faire apparaître d'animosité par la langue ou par la parole, mais en aucun cas dans le cœur, cela doit disparaître. Je finirai par ce verset qui se trouve dans Surat Al-Fath, oh excusez-moi, dans Surat Al-Mujadala, dans Surat Al-Mujadala, ou plutôt Al-Mujadila. Qui est le dernier verset de cette sourate Al-Mujadila, le verset 22. Donc Allah Azza wa Jal dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouves pas de peuple qui croit en Allah au jour dernier. Yawaduna man had Allah wa rasulah. Qui aimeront ceux qui sont mis en travers d'Allah Azzawajal et de son messager. Le verbe had, had, qui veut dire, qui implique aussi le fait de désobéir, de ne pas avoir comme base le fait de ne pas obéir à Allah et à son messager. Donc, ce sont les mécréants qui sont visés ici. ولو كانوا آباءهم, et même s'ils sont leurs pères, أو أبناءهم, ou leurs fils, أو إخوانهم, ou leurs frères, أو عشيرتهم, ou leurs familles, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, cela est écrit dans leur cœur, donc c'est inscrit dans leur cœur, الإيمان, la foi. Pour ceux qui croient en Allah Azzawajal, d'accord, et dans son dernier, un jour dernier, ils ne peuvent pas aimer les mécréants, même s'ils font partie de leur proche famille. Et ceux qui font ça, Allah Azzawajal inscrit dans leur cœur la foi, wa ayyadahum bi ruhim min, et il les assiste, Allah Azzawajal les assiste, bi ruhim min, d'un esprit venant de lui, l'esprit ici, c'est la guider et le secours. On dit aussi que c'est le Coran. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Et il les fait rentrer dans des paradis, dans des jardins. Parce que sachez que le mot al-janna, en arabe, c'est-à-dire le jardin. Ici, c'est jannatin, donc des jardins. Des jardins, bien sûr, qui sont dans ce qu'on appelle le paradis en français. تجري من تحتها الأنهار, d'où coulent en dessous de ces jardins des rivières. خالدين فيها, éternellement dans ces jardins, dans ces paradis. رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah les agrée et eux l'agréent. Oulaïka Hizbullah. Ce sont eux le Hizbullah. Comme je l'avais dit dans le Coran, le mot Hizbullah vient deux fois. Ici, nous voyons la deuxième fois. Et bien sûr, le Hizbullah, ce n'est pas le Hizbullah qui se prétend, le parti d'Allah, là, au Liban, ce sont des chiites, ce sont des koufars. D'accord? Ce sont plutôt des Hizb Shaytan. C'est le Hizb, c'est le parti du Shaytan, du Satan. Comme je l'avais dit, le fait de se nommer d'une chose ne fait pas qu'on ait cette chose. Il faut venir avec les caractéristiques. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On achète une bouteille de vin, j'enlève l'étiquette, je mets jus de raisin et ça devient halal. Non, l'étiquette ne suffit pas. Il faut voir ce qu'est la chose en elle-même. Donc, se nommer Hizbullah, se nommer Salafi, se nommer ceci, se nommer cela, se nommer musulman, en soi ne suffit pas. Il faut que la personne concrètement vienne avec les caractéristiques. Comme quoi il est le Hizbullah, il fait partie du Hizbullah, du parti d'Allah Azzawajal. Comme quoi il fait partie des Salafis, des véritables Salafis, et non pas de ceux qui trahissent la da'wa Salafiyya, la da'wa des Salaf Salih, des pieux prédécesseurs. Et pareil pour l'islam, certains, beaucoup se prétendent musulmans, mais ne le sont pas, ce sont des kuffars, des munafiqoun. Ensuite Allah Azzawajal dit: Ala inna hizballahi humul muflihun. Et oui, c'est certes le Hizballah qui ont eux réussi. Et nous demandons à Allah Azzawajal de nous mettre parmi son parti, parmi son Hizb, Hizballah. Voilà, ce cours, bon, en fin de compte, je voulais commencer l'autre épître, l'autre petit livre du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, qui s'appelait notamment Shurut La ilaha illallah, les conditions du La ilaha illallah, mais en fin de compte, cela a pris du temps, j'ai fini par. J'ai complété, en fin de compte, le cours d'avant, en donnant des choses supplémentaires. D'accord? Et Inch'Allah, bi'iznillah, le cours prochain, nous commencerons directement dans les shurut La ilaha illallah, les conditions du La ilaha illallah. Les conditions, comme on avait vu notamment dans le fiqh, ce ne sont pas ici les conditions de l'wujub, la ilaha illallah, les conditions de l'obligation de la ilaha illallah. Non, non, là, c'est les conditions de ce qu'on appelle en arabe la siha, de la validation. Shurut sihati la ilaha illallah. C'est les conditions pour que la parole de la ilaha illallah soit valide. C'est que si une de ces conditions n'est pas remplie et que la personne dit la ilaha illallah, alors son la ilaha illallah n'est pas valide, et donc il n'est pas musulman, c'est un mouchrik, un kafir. Donc nous allons étudier, inshallah, dans le cours prochain, ces conditions qui sont au nombre de sept, les conditions de la ilaha